Les yaourts au lait entier, c'est par deux qu'on les achète. Les œufs fraîchés, les bons crémiers, au prix de 6, on en a 7. Six et demi, c'est en fait. Pas comme les saucisses, qui s'achètent toujours par 6.